Salut tout le monde, c'est Bibou et j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler d'argent, de beaucoup d'argent. Je vais vous présenter dans cette vidéo les dépenses les plus folles des milliardaires. C'est parti. On commence ce top 10 avec la dépense la plus soft. Le sultan de Brunei a eu la coupe de cheveux la plus chère du monde. 18 000 euros. C'est ce que le sultan a payé pour se faire couper les cheveux en 2009. Pourquoi ce prix alors que normalement c'est dans les 20 à 30 euros? Eh bien le sultan a payé à ce barbier londonien son vol en suite privée avec la compagnie Singapore Airlines jusqu'à son palais de Brunei, histoire d'être sûr que l'homme qui allait lui faire sa nouvelle coupe à la mode n'attrape pas une grippe ou un rhume en vol. Mais ce n'est pas la première fois que le sultan s'accorde un petit plaisir luxueux. Il est le propriétaire de l'Étoile de l'Inde, une Rolls-Royce de 12,5 millions d'euros, plaquée or et décapotable, qui appartenait au Maharaja de Rochecott. Bon, on va voir pire comme dépense dans ce top, et on va revoir ce sultan un petit peu plus tard. Le prince saoudien Al-Walid est un grand collectionneur de voitures. Pour la 38e pièce de sa collection, il a décidé de s'offrir quelque chose de très spécial, d'unique et à la hauteur de sa richesse. Une Mercedes incrustée de diamants. En plus de cela, la voiture est décorée avec du cristal Swarovski. Les jantes, la carlingue, les pots d'échappement, les poignées de porte et le logo sont assertis de diamants. Ce qui en fait bien sûr la voiture la plus chère et la plus luxueuse du monde. Son prix, 48 millions de dollars. Mais le prince a fait un bon investissement. Puisque la voiture est exposée et il faut débourser quelques milliers de dollars pour s'en approcher et la toucher. Steven Cohen est le directeur et fondateur du fonds d'investissement américain SAC Capital Advisor et sa fortune personnelle est estimée à 11,400 milliards de dollars. Mais c'est également un grand collectionneur d'art puisqu'il y dépense une grande partie de sa fortune. C'est notamment lui qui a acheté la très controversée toile de William de Kooning, Femme 3, pour 137,500 millions de dollars. La peinture ressemble à un gribouillis de ce qu'il semble être une femme avec des couleurs ternes, pâles, des lignes griffonnées et bien sûr la femme en plein centre. Cette toile est le deuxième tableau le plus cher jamais vendu grâce à l'investissement de Steven Cohen qui lui donne cette inestimable valeur. Pas sûr qu'il arrive à trouver un racheteur un jour. Mukesh Ambani est un homme d'affaires indien, placé 36e au classement des hommes les plus riches du monde par le magazine Forbes. Il a un patrimoine estimé à 29 milliards de dollars. Il a décidé d'investir son argent dans sa maison. Il a construit un incroyable building de 27 étages uniquement pour son usage personnel. L'immeuble est estimé à 2 milliards de dollars. Il y a 400 000 mètres carrés d'espace intérieur et il s'élève à 160 mètres au-dessus des bidonvilles de Bombay. Un contraste assez étonnant. En plus de sa grandeur, 600 employés, maître d'hôtel, concierge, femme de ménage, cuisinier, s'assure du bon fonctionnement de la maison chaque jour. C'est la résidence privée la plus chère du monde, juste après Buckingham Palace. On retrouve le sultan de Brunei, Hassan Al-Bolkiah. C'est l'un des dirigeants les plus riches du monde et sa fortune est estimée à 40 milliards de dollars. Le sultan a décidé de dépenser sans compter quand il eut envie de s'acheter son propre avion. Mais attention, hein, pas un petit jet privé comme il en possède déjà plusieurs. Un véritable Boeing 747-430 pour 100 millions de dollars. Et comme ce n'était pas encore assez, il rajouta même 120 millions de plus pour le transformer en avion de luxe pour lui et sa famille. L'intérieur de l'avion est tout doré et la pièce centrale donne l'impression d'être dans un salon en or. Même la salle de bain est somptueuse. Le haut des lavabos est plaqué or et incrusté de cristal. Bill Gates n'a pas vraiment besoin d'être présenté. En plus d'être le fondateur de Microsoft, c'est un très grand fan de Léonard de Vinci. Pas tellement pour ses peintures, mais plutôt pour ses inventions et découvertes scientifiques. C'est pourquoi Bill Gates a acheté un recueil scientifique du maître italien, 30,8 millions de dollars, le Code Leicester, l'un des journaux personnels de Léonard de Vinci le plus célèbre. Le livre a été mis aux enchères en 1994 et obtenu à ce prix fou par Bill Gates, ce qui lui donne le titre de livre le plus cher du monde. Jocelyn Wildenstein est une célèbre milliardaire connue pour son train de vie de star à New York. Jocelyn aime l'extravagance. 60 000 dollars de facture de téléphone en un mois, s'autoriser un budget de 547 000 dollars pour du vin, ce n'est rien pour elle. Elle est surtout connue pour ses investissements sur son visage. 4 millions de dollars de chirurgie esthétique uniquement pour refaire sa tête. Apparemment, son but serait de ressembler le plus possible à un chat parce que son mari est fan de l'animal. Elle devait vraiment vraiment être amoureuse de lui. Malheureusement, leur mariage s'est terminé par un divorce peu après, avec quand même un arrangement de 2,5 milliards de dollars. Le cheikh Ahmad bin Hamdan Al Nahyan est un des membres de la famille royale d'Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis. Le cheikh est aussi une des personnes les plus riches du monde. Ce diplomate à la retraite a attiré toute l'attention sur lui quand il décida de s'investir dans un spectaculaire projet. Cheikh Ahmad possède une île privée et il a voulu laisser une trace permanente de son existence sur Terre. Sur 2 années, il a fait creuser son nom dans le sol de l'île, tellement profondément que les lignes des lettres ont formé des rivières. Chaque lettre est longue d'un kilomètre et visible depuis la Lune. Malheureusement pour lui, son nom a été effacé en 2013. Cette magnifique montre à gousset signée Philippe Patek et appelée Super Complication est la plus chère du monde. La montre s'est vendue 24 millions de dollars. Elle pèse à peu près 500 grammes et est large de 73 mm, entièrement en or de 24 carats. C'est une montre à double face qui porte bien son nom puisqu'elle possède 24 fonctions, comme jouer la mélodie des carillons de Westminster ou encore afficher la position de la lune au-dessus de Central Park. Elle fut commandée en 1925 par un businessman new-yorkais, Graves Jr., qui voulait avoir la montre la plus compliquée du monde, peu importe son prix. Elle est considérée par les collectionneurs comme la plus précieuse montre de l'histoire. Elle fut achetée en 2014 à la suite d'enchères par un milliardaire souhaitant garder l'anonymat. Roman Abramovich est un businessman russe ayant fait fortune dans le pétrole et également propriétaire du club de foot de Chelsea. Avec un compte rempli de 11 milliards 200 millions de dollars, Abramovich a décidé un beau jour de se faire une petite folie en s'offrant un magnifique yacht. Ce bateau luxueux lui a coûté la somme de 450 millions de dollars et est le plus grand bateau personnel du monde. Pour ce prix, le yacht, qui porte le nom d'Eclipse, a une protection antimissile, 2 pistes d'atterrissage pour hélicoptère et une magnifique piscine accompagnée de son spa. Il est également équipé d'un système anti-paparazzi unique au monde, ce qui permet à Abramovich et sa famille de se reposer en toute tranquillité. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle aurait été votre dépense la plus folle avec autant d'argent. Bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, et tchuss !